j'ai plus le moral. Y'a trop de fric autour de moi, c'est comme une muraille. Attention, mieux vaut tendre son oreille. Y'a déjà longtemps que j'ai pété un plomb. Tellement de choses à raconter, ça tient très fort en un couplet. Eh, hey, un morceau, mélodrame, à bout. Tellement de crinave dans mes textes que j'en ai mal au crâne. Alors comme ça, je commets le crime de la rime. Je dépose ça sur le papier vu qu'ici tout le monde crame. Des voitures ou de l'intérieur, j'ai la haine d'un tirailleur. Dans une date ultérieure, il faut que je me tire ailleurs. Sortir de la merde, ma force de parler de la crinave qui m'entoure. Je vais finir par sentir le mort. Tous les jours j'entends parler d'argent, j'entends parler d'agents. Que les frères se font contrôler même à jeun. J'habite dans un lieu dit malsain. À croire qu'ils en savent plus que moi, laisse les pénaves et donne-moi le son. Me demande pas pourquoi dans tous mes textes je suis à bout des nerfs. Peut-être parce qu'on peut pas se contenir, moi et mes partenaires. Je crois que les piliers des bâtiments ne vont pas tenir. Croquer le business en faire au daf, faut des bottes en or. J'ai plus le moral, y'a trop de fric autour de moi, c'est comme une murale. Attention, mieux vaut tendre son oreille. Y'a déjà longtemps que j'ai pété un plomb. Tellement de choses à raconter que ça tiendrait pas en un couplet. J'ai plus le moral, y'a trop de fric autour de moi, c'est comme une murale. Attention, mieux vaut tendre son oreille. Y'a déjà longtemps que j'ai pété un plomb. Tellement de choses à raconter que ça tiendrait pas en un couplet. J'ai plus le moral, même quand je compte mes billets verts. J'suis tellement nostalgique de l'époque où on était tous des frères. On a faussé notre amitié à cause de l'argent sale et tous ses mauvais côtés. J'ai plus le moral, car je suis loin de rejoindre le paradis. J'ai fait trop d'erreurs dans ma putain de vie. Moi, j'ai rien à voir avec vous. T'as pas connu les fusillades, les mecs qu'on mettait à genoux. J'ai plus le moral, car on sait tous niquer la santé. Fumé, billard, dédicace à mon pote Jambélé. Que tous les quartiers s'en souviennent. Mérite Montreuil, coup de couteau et coup de bouteille. J'ai plus le moral, car je crois que rien n'avance. Même en faisant des efforts, on te laissera pas ta chance. Le quartier te pénalise, tu pensais pouvoir t'en sortir. Mais là t'approches les 30 vies. J'ai plus le moral, y'a trop de fric autour de moi, c'est comme une murale. Attention, mieux vaut tendre son oreille. Y'a déjà longtemps que j'ai pété un plomb. Tellement de choses à raconter que ça tiendrait pas en un couplet. J'ai plus le moral, y'a trop de fric autour de moi, c'est comme une murale. Attention, mieux vaut tendre son oreille. Y'a déjà longtemps que j'ai pété un plomb. Tellement de choses à raconter que ça tiendrait pas en un couplet. Depuis déjà longtemps, j'ai des rimes à s'en cogner la tête. À force de nager dans les bas fonds, on sent même plus l'audit. Mon son, il s'écoute par la Fnac, il s'écoute dans ma tête. Pour les mecs qui squattent en bas de chez moi, qu'attendent les prochains. La crasse me colle au corps et ne veut pas s'enlever. Inutile et le dissolvant quand le taux de pauvreté ne fait que s'élever. Si rien n'est gratuit comme à l'autre bout du monde. Certains de mes frères sont au placard, les autres sont dans leur tombe. Eh, je me drogue à la mélodie pour pas taper l'audé. Les seins de la France, je les peloter, ça depuis longtemps. Mais enfoui dans la boue, j'ai du mal à sortir. Une jeunesse en retard où il n'y a pas que les plus faibles qui finissent à terre. Ils voudraient que je me calme et que je m'adoucisse. Dans la rue, les carrières sont brèves et se finissent très vite. Nos chances de réussir sont minces, mon frère, ne sois pas naïf. Même tes amis les plus proches, un jour ou l'autre te trahissent. J'ai plus le moral, y'a trop de fric autour de moi, c'est comme une muraille. Attention, mieux vaut tendre son oreille. Y'a déjà longtemps que j'ai pété un plomb. Tellement de choses à raconter que ça tient très fort en un couplet. J'ai plus le moral, y'a trop de fric autour de moi, c'est comme une muraille. Attention, mieux vaut tendre son oreille. Y'a déjà longtemps que j'ai pété un plomb. Tellement de choses à raconter que ça tient très fort en un couplet.